Je vois le genre. Votre femme et vos gosses vous rendent dingue. Il vous faut un petit truc pour vous déstresser, avec un paquet de monstres à désinguer, je présume. Et on faisait une petite partie d'échecs. On dirait une sorte de jeu bizarroïde, tu as vu ? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit ? Un jeu pour tous ceux qui espèrent laisser derrière eux leur univers ? Oh, c'est super cool ! C'est peut-être un jeu underground qui l'a débloqué. Drôle de jeu où pour gagner, il ne faut pas jouer. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ludologie, le podcast du jeu sous toutes ses formes. Vous commencez à le savoir, j'imagine, depuis 14-15 épisodes. Donc nous allons parler jeu dans le sens le plus large, donc jeu de rôle, jeu de société ou jeu vidéo. Et pour m'accompagner, moi, Emmanuel, un plateau de choix. Je crois que c'est la première fois qu'on a autant d'invités d'un coup. À ma droite, Thomas Planck, qui est donc game designer et donc enseigne le game design. Bonjour. En face de moi, Coralie David. Bonjour. Qui travaille dans l'édition, je n'ai plus le nom de la maison d'édition. Nemos. Et donc qui vient de publier une thèse en littérature comparée, qui est une catégorie des lettres modernes. Voilà, et donc sur le jeu de rôle, donc la thèse. Et en face, encore un habitué, j'ai envie de dire, de ludologie. Jérôme Larré, auteur, critique de jeux de rôle, traducteur, plein de casquettes. Qu'est-ce que j'ai oublié, Jérôme ? Bonjour. Et bonjour. Et je vais donc laisser mon camarade Manuel présenter le thème du jour, tout simplement. Et ben en fait, comme on arrive en fin de saison, on a décidé de s'arrêter un petit peu et de se poser des questions sur ce que nous-mêmes nous faisions, et finalement sur ce que des gens font un peu comme nous, mais mieux, à savoir de la recherche, de la réflexion sur le jeu, puisque finalement, c'est ce qu'on essaye de faire dans l'udologie, réfléchir sur des jeux. Et puis il y a des gens qui font carrément de la recherche dessus. Hein, je reprécise qu'on enregistre ce podcast dans le cadre du Stunfest. Dans le cadre du Stunfest, il y a un certain nombre de conférences où on voit des universitaires. D'année en année, on en voit de plus en plus dans les participants, ce qui tente à démontrer que la recherche sur le jeu s'intensifie. Mais, et c'est le thème de notre podcast aujourd'hui, est-ce que le jeu fait un bon objet de recherche ? Voilà. A priori, on pense que tout le monde va nous répondre oui de façon limpide. Et heureusement, parce qu'ils font eux-mêmes de la recherche dessus, et sinon ils seraient un peu en train de se discréditer. Mais bon, ça pose quand même tout un tas de questions, que ce soit dans la définition du champ lui-même, dans le rapport au pair, dans pas mal de choses, et puis de quel jeu on parle. On va pouvoir commencer tout de suite avec Coralie, parce que pour une fois qu'on a une femme au micro, on va pas se priver de lui poser des questions. Alors Coralie, toi tu as fini ta thèse récemment, ta thèse traite de jeux de rôle. Pour autant, tu es dans un domaine plus traditionnel, dans une filière plus traditionnelle qui est effectivement la littérature comparée dans les lettres modernes. Ça pose des questions parce que du coup, on peut parler des univers, mais j'imagine que par exemple, parler de game design, qui est quand même un élément fondateur du jeu, c'est plus compliqué. Alors en fait, la littérature comparée, dont je vous parlais, les lettres modernes, il y a trois, on va dire, sous-catégories qui sont la littérature française, la linguistique et la littérature comparée. Et la vocation de la littérature comparée, entre beaucoup d'autres choses, c'est notamment de s'intéresser à la littérature en langue étrangère et plus récemment au rapport de la littérature avec les autres médias, donc le cinéma, la BD et ce genre de choses. Donc du coup, c'est une matière qui permet effectivement de parler des autres rapports avec les médias, ce qui serait peut-être plus compliqué en littérature française, ou après c'est une thèse en linguistique sur le jeu de rôle, ce serait tout à fait possible aussi. Mais ce qui est bien avec le jeu de rôle, mais je pense qu'on pourrait dire la même chose du jeu vidéo, c'est que ça centralise quand même pas mal de domaines. Au final, dans ma thèse, j'ai pu parler de transmédia, j'ai pu parler de création d'univers, j'ai pu parler de narratologie. Donc là, le lien avec la littérature se fait beaucoup. Et surtout, j'ai pu parler de fiction. C'est vraiment le point central, le cœur autour duquel toutes les théories peuvent fonctionner ensemble, avec des fois en contradiction ou en opposition, mais aussi des fois pour faire des liens, quoi. Donc, avoir le jeu comme objet de recherche, ça permet vraiment... Enfin, comme c'est un média qui est très complet et très complexe et qui est encore jeune, en tout cas, dans sa forme telle tel qu'on l'étudie nous, c'est-à-dire vraiment les jeux vidéo et le jeu de rôle sur table, ça permet en fait d'aborder énormément de choses et c'est même difficile de se restreindre à ce niveau-là. Je t'en ai la main pour poser une question. Oui, non, en fait, effectivement, cette thèse est sortie donc dans, entre guillemets, la catégorie littérature comparée. Mais c'est vrai qu'on remarque qu'il n'y a pas d'études, il n'y a pas de filière game design à l'université. Et comment on l'explique ? Parce que mine de rien, le game design, ça date déjà il y a plusieurs années. Vas-y. En fait, il y a quelques filières sur vraiment le jeu vidéo en soi, dans le public. Notamment, il y a l'Engmin, qui est une école publique, qui donc a un master, et alors qui dépend de trois universités, La Rochelle et puis deux autres, bon désolé, je n'ai pas le détail, et donc a une spécialité game design, et d'ailleurs, qui peut facilement orienter vers des thèses par la suite. Et je crois, et là j'ai moins de détails aussi, qu'à Montpellier, dans d'autres villes, il n'y a pas forcément au niveau master, mais je crois au niveau licence, des études universitaires dans le domaine du jeu vidéo et du game design en particulier. À Paris 13, là où j'ai fait ma thèse, vous avez Gilles Brougère, donc qui est un théoricien du jeu qui travaille sur le jeu, alors d'une façon générale et peut-être plus traditionnelle que nous, qui a créé notamment une filière sciences du jeu à Paris 13 qui existe. C'est aussi pour ça que c'était une fac assez accueillante aussi pour ce genre de thèse, et c'est aussi pour ça que j'ai pu la faire là-bas, je pense. C'est donc que c'est difficile d'amener, je vais faire une thèse sur le jeu dans un milieu universitaire ? Bien sûr, oui, c'est difficile parce qu'il y a quand même, on va dire, un gros poids de la tradition et ce qui est de la culture légitime et ce qui est de la culture populaire. Même ça a été le même problème pour la BD. À partir du moment où vous arrivez avec un sujet, avec un objet d'étude qui est considéré comme issu de la culture populaire, il va évidemment falloir vous attendre à certaines remarques, à une remise en cause de la légitimité même de l'objet d'étude. Donc la façon dont vous allez l'aborder est limite presque plus importante quand vous présentez vos travaux et notamment les outils que vous allez utiliser pour le faire que l'objet lui-même. Mais après, par exemple, quand j'avais fait mon Master 1 à Toulouse déjà sur les jeux de rôle, j'étais rentrée aussi par la porte, quand j'avais cherché un directeur, par la porte, regardez, c'est Cthulhu, c'est Lovecraft, sachant que Lovecraft a l'air issu de la culture légitime par rapport, on va dire, si on se place du côté de la culture geek, alors que pour le coup, d'un côté de la littérature, ça reste encore de la littérature de genre, donc quelque chose qu'on met de côté en fait. C'est des points de, on va dire, toutes ces choses-là sont relatives et du coup, bon, après, quand on a fait 3 ans de lettres, on le sait, on comprend la façon dont les choses se pensent. Et donc, effectivement, on doit avoir une rigueur dans la façon de l'aborder qui est spécifique, mais c'est aussi des choses qui sont vraiment en train de bouger, en train de changer. Voilà, il y a vraiment beaucoup de gens qui s'intéressent plus à ça. Moi, je pense à Isabelle Perrier. Qui travaille aussi sur le jeu de rôle. Il y a évidemment Anne Besson qui fait aussi beaucoup de choses là-dessus. Et puis il y a évidemment eu Olivier Caïra qui, lui, est sociologue pour le coup, qui a vraiment permis d'ouvrir des portes. Donc c'est quelque chose qui tend à changer. Mais évidemment, ça ne va pas de soi en fait. Hein. Et puis j'imagine que la question de la direction de thèse, dans le cadre d'une thèse, elle est encore plus compliquée quand il s'agit de jeux de rôle que de bande dessinée, par exemple, parce qu'au-delà de la légitimité, il y a un problème de simple connaissance du médium, c'est-à-dire que tout le monde voit à peu près ce que c'est qu'une bande dessinée. Par contre, voir et avoir pratiqué ce que c'est que le jeu de rôle, c'est encore l'apanage d'une minorité de la population. Oui, tout à fait, c'est toujours un problème. On en parlait justement avec Olivier Caïra. Quand on aborde le jeu de rôle, quand on doit le présenter notamment à des universitaires, c'était, je crois, Didier Guiséric qui disait dans son livre, imaginez à quelqu'un, vous voulez lui parler de cinéma, lui expliquer ce que c'est, mais à quelqu'un qui n'a jamais vu un film, vous lui dites, va voir un film. Là, c'est un peu ce qu'on est tenté de faire. Alors moi, dans l'introduction, j'avais mis des liens vers des parties qui pouvaient être visionnées, mais comme c'est un média qui est par essence participatif, ça ne marche pas. Enfin, regarder des parties de jeux de rôle ou même des gènes, on le sait tous, ça ne marche pas. Donc c'est compliqué. Et d'ailleurs, Raphaël Baroni, donc, qui était à ma soutenance, qui savait vaguement ce que c'était parce qu'il connaît notamment les travaux d'Olivier Caïra, disait, moi j'aurais presque aimé que vous rentriez en abordant le jeu de rôle par limite la théorie, parce que j'ai l'habitude de la théorie, de me saisir du matériel théorique, que sur expliquer pratiquement ce que c'est avec l'historique, de comment sont construits les jeux. Donc c'est effectivement un souci quand on travaille sur un média comme ça, comme le jeu de rôle, même si les gens ont une vague idée de ce que c'est, pour dire, ben déjà situer l'objet d'étude, voilà, de quoi on va parler, quoi. Je vais vous parler de corpus, je vais vous parler d'exemples de parties, si vous avez aucune idée de comment ça se déroule, voilà, c'est effectivement une étape qui est toujours problématique quand on, par rapport au public qu'on a quand on travaille sur le jeu de rôle. Oui. Si j'essaie de résumer là tout ce qu'on s'est dit, en fait, en tout cas en jeu de rôle, et justement c'est pour ça que je vais aussi demander l'avis de Thomas, en jeu de rôle en tout cas, on vous demande de vous concentrer sur les outils d'analyse plutôt de l'objet analysé, si j'ai bien compris. Non, enfin... En fait, non, je me suis vraiment concentrée vraiment sur le jeu de rôle. Mais par contre, les outils d'analyse qu'on va utiliser, en fait, finalement, les outils d'analyse du jeu de rôle lui-même, il n'y en a pas tant que ça, puisque c'est un média qui est jeune. Donc, effectivement, on a de la recherche sur le jeu de rôle du point de vue des. Enfin, faite par les rôlistes, qui est notamment disponible sur le net. Alors, pour les plus connus, on se rappellera de La Forge et de ce genre de choses. Il y en a d'autres, évidemment. Et d'un autre côté, il y a les théories qui peuvent venir du monde plus académique. Donc voilà, de la narratologie, de la création d'univers et de ce genre de choses, qui là pour le coup sont deux sphères séparées, et c'est très intéressant dans une thèse de pouvoir les confronter, voir les points communs, tout ce qui est théorie de la réception aussi, ce qu'on appelle la réception. Par exemple, un livre d'Umberto Eco qui s'appelle Lector in Fabula, qui explique quand le lecteur lit un livre, il y a quelque chose de ludique, notamment le roman policier, hein, comme tu en parlais tout à l'heure à la conférence, parce que on joue à trouver qui est le coupable et est-ce que je suis plus intelligent que l'auteur pour le démasquer. Et donc quand on croise ces choses-là, alors que c'est des théories qui ne sont pas forcément mises en relation. Il y a plein de choses qui émergent et qui sont très, très, très intéressantes. Jérôme, tu voulais revenir sur un point ? Par rapport à cette notion d'objet d'étude, alors moi, je ne viens pas du tout du monde académique à la base, hein, vraiment pas. Par contre, il y a quelque chose qui est un peu frappant à l'extérieur, surtout quand on a l'habitude de regarder ce qui se fait à l'étranger. C'est qu'à l'étranger, on a ce qu'on appelle, dans le monde anglo-saxon, les liberal studies. C'est-à-dire qu'on va considérer, par exemple, dans les plus connus, il y a sans doute les gender studies, les game studies pour le jeu, mais souvent le jeu vidéo. On va aller prendre dans tous les champs ce qui est intéressant pour utiliser cet objet d'étude. Aujourd'hui, j'ai l'impression, alors surtout vous m'arrêtez si je me trompe, que... en fait, on doit légitimer en disant voilà ce que le jeu de rôle et voilà ce que le jeu de rôle va apporter à ce champ d'études, en prenant les champs d'études classiques. Et ça correspond bien. Ouais, faut mettre une mise en situation, en contexte là de l'objet lui-même. Bon, moi, c'était par rapport à la notion de fiction, et puis à la notion de littérature et surtout à l'influence que ça a pu avoir sur les médias, le rapport spécifique à la fiction et, comme je parlais de transmédia, justement, le rapport à la culture populaire d'une façon générale. Il faut qu'il y ait une mise en contexte, il faut faire des relations et poser des questions qui peuvent être cohérentes et intéressantes. Pas que sur l'objet lui-même, mais aussi sur tout ce qui l'entoure, quoi. On voit bien que le jeu de rôle peut être pris, en tout cas pour la sphère universitaire, comme un objet littéraire, pour quelque chose de virtuel. Comment cela se passe, Thomas Planck ? Déjà, premièrement, j'ai l'impression que le jeu vidéo est beaucoup plus et de plus en plus visibilisé dans la société d'aujourd'hui que le jeu de rôle. Le jeu de rôle est encore effectivement relativement cantonné à des gens passionnés de ça, mais relativement peu connu ailleurs, alors que le jeu vidéo, depuis sa création, est utilisé par de plus en plus de public. Maintenant, il y a vraiment plus grand monde qui ne joue pas, ne serait-ce que sur son téléphone mobile à des petits jeux. Et un et deux, les usages aussi se diversifient beaucoup. Il y a du jeu vidéo qui n'est pas du tout que dans un but purement de divertissement. Il y a tout ce qu'on appelle le serious game. Alors c'est un peu un mot valise, donc bon, j'aime pas trop l'employer, mais ça peut être du jeu à but soit de communication, alors communication publicitaire ou culturelle. Ça peut être du jeu à but d'apprentissage, etc. On va voir de plus en plus dans notre société énormément d'éléments qui n'étaient pas interactifs jusqu'alors, qui vont le devenir pour plus impliquer le consommateur, la personne qui apprend, etc. Et du coup, forcément, ça amène à cette diversité des usages et cette ampleur d'utilisation à, je pense, plus mécaniquement d'intérêt académique pour ce domaine. Et ce qui fait que le jeu vidéo, alors que c'est un peu plus jeune que le jeu de rôle, je pense dès aujourd'hui a un ancrage en études académiques déjà assez important. Il y a beaucoup, il y a quand même pas mal de thèses qui sont spécifiquement sur jeux vidéo. C'est pas du tout quelque chose qui peut forcément être choquant. Et il y a vraiment des organismes qui se spécialisent là-dedans. Par exemple, au CNAM, ils ont vraiment beaucoup de gens qui font ce genre de choses. Et on le voit aussi à l'international. Il y a vraiment une scène qui est très mouvante là-dessus. Et je pense que ça va aller effectivement qu'en augmentant, quoi. Alors justement, sur le jeu, hein, de façon large... Moi, je connais pas bien. Je n'ai pas de réponse à la question que je vais vous poser, mais peut-être que vous pourrez m'aider. Quel est l'état de la recherche du point de vue développement des labos ? Est-ce qu'il commence à y avoir un certain nombre de labos qui travaillent sur le jeu, sur le game design, qui commencent à chercher ? On sait que dans d'autres matières, voilà, c'est aussi le fait de mettre des chercheurs en équipe et de les faire travailler ensemble qui va permettre effectivement de faire émerger des idées, de la prospective. Ça se passe comment pour le jeu ? Comment on en est ? Alors en France et puis éventuellement à l'international. Bah pour parler de ce que je connais du jeu de rôle, il n'y a pas énormément de chercheurs en France sur le jeu de rôle, donc ils appartiennent à différents labos qui vont avoir comme sujet d'intérêt le jeu parmi tant d'autres choses. Mais par exemple, là, vous voyez, le 12 juin, c'est organisé notamment par Isabelle Perrier, Vincent Berry, Claire Cormillon, et j'en oublie d'autres auprès desquels je m'excuse. C'est... Hein ? Alban Quadra et... Et Daniel André, merci Jérôme. C'est les premières journées d'études sur le jeu de rôle dans un cadre universitaire qui sont organisées. Donc c'est quand même quelque chose d'assez neuf qui ne concerne pas une énorme communauté de chercheurs spécialisés, on va dire. Donc c'est encore quelque chose qui est embryonnaire. En fait, je pense que le jeu de rôle, comme tu disais, est beaucoup moins visible que le jeu vidéo, tout simplement parce qu'il rapporte beaucoup moins d'argent. Et donc il est moins visible. Par contre, il y a une prise de conscience réelle, notamment je crois que David Perron l'évoque dans son livre Culture Geek qui a fait pas mal de bruit, et dans d'autres bouquins dans toute cette mouvance-là, qui évoque le fait que le jeu de rôle a joué vraiment un rôle déterminant chez les gens qui après ont participé à la culture du jeu vidéo, ont participé à la culture geek. Et je pense que c'est aussi cette mise en perspective de c'était pas juste une mode, c'était pas juste un fait isolé, qui intéresse les gens qui sont pas forcément spécialisés dans la recherche sur le jeu de rôle ou qui sont pas forcément rôlistes, quoi. J'aurais juste envie de rajouter deux choses. Du point de vue du jeu vidéo, et là encore ça recoupe un peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais déjà pas mal donc de labos, de colloques qui s'organisent, notamment en France on a les Game Studies à la française avec le MNSH, l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines, qui organise des colloques tous les ans où il y a vraiment un milieu académique assez actif. Évidemment aux États-Unis, enfin dans le monde anglo-saxon, comme d'hab, ils sont beaucoup plus avancés encore que nous là-dessus. Et j'aimerais aussi revenir sur peut-être très rapidement la raison. Une des raisons, en tout cas, peut-être pour lesquelles le jeu de rôle, comme on disait, est un peu moins visibilisé, je pense que c'est la question de la forme. C'est-à-dire que le jeu vidéo peut avoir des usages très différents, en fait, avoir des formes et en termes de peut-être de longueur de partie, de type de gameplay, on va peut-être y revenir aussi. D'immédiateté d'insertion dans le jeu aussi. Exactement. Beaucoup plus, en tout cas, qui est beaucoup plus accessible et beaucoup plus varié aujourd'hui. Là où le jeu de rôle, peut-être, pourrait éventuellement encore avoir à réfléchir sur comment diversifier ces formes d'utilisation. Alors en fait c'est déjà très diversifié, après c'est comme c'est souvent aussi des niches dans la niche et des jeux indés, mais c'est beaucoup plus diversifié qu'on ne le pense. Je pense notamment, pour revenir donc sur ce qu'on dit sur les labos, à l'Europe du Nord, les universités d'Europe du Nord qui ont été vraiment parmi les premières à s'intéresser du point de vue universitaire. Alors ils parlent et beaucoup des jeux grandeur nature, enfin des jeux de rôle grandeur nature, des fois un peu des deux, des fois ce qu'ils appellent des formes intermédiaires comme le freeform, mais du coup ils portent des réflexions qui sont signifiantes pour on va dire pour toutes les facettes du jeu de rôle de grandeur nature à sur table. Et pour le coup eux sont réellement en avance là-dessus, quoi, parce que c'est quelque chose qu'ils ont étudié dès le début et qui explose, et on a énormément de chercheurs qui ont fait des thèses là-dessus bien avant, qui ont été parmi les premiers, à part il y a aussi évidemment quelques autres cas où aux États-Unis, mais après le pour le coup le jeu de rôle en termes de corpus c'est quand même a quand même une diversification même de forme, surtout maintenant avec le numérique mais pas que, qui est quand même assez importante quoi. D'ailleurs, juste, enfin, ce que tu dis sur le numérique, effectivement, c'est intéressant parce que je pense qu'on va avoir vraiment, d'ailleurs, des liens qui vont se créer entre le jeu vidéo avec son support numérique et le jeu de rôle, une espèce d'hybride entre les deux. On va certainement voir ça arriver. On commence à le voir arriver et ça va faire qu'augmenter, effectivement. Alors, juste pour compléter ce que tu disais sur la notion de labo, la notion de regroupement, on commence à voir arriver aux États-Unis des tentatives de manuels en fait de RPG studies, donc où on va prendre un peu tous les angles, la psycho, la socio, les éléments littéraires sur le jeu de rôle. Je crois que le premier bouquin de cet ordre là doit sortir normalement en 2016, fin 2016. Et ça commence à se fédérer un peu partout. Alors il y a déjà des choses qui se faisaient, mais ça a commencé à prendre des formes concrètes et sous la forme assez presque paradoxale d'un livre de cours. Alors pour nous, c'est déjà compliqué de dire, enfin c'est pas toujours évident de dire qu'on fait du jeu de rôle, d'expliquer tout ça. Ça laisse assez rêveur et ça donne envie quoi. De ce que je comprends, il y a visiblement assez peu de porosité entre les chercheurs qui étudient le jeu de rôle, par exemple, d'un côté, et les chercheurs qui étudient le jeu vidéo. Je ne sais pas ce qu'il en est des chercheurs qui étudient le jeu de société, j'imagine qu'il doit y en avoir aussi quelques-uns. À quoi, selon vous, est-ce que ça tient ? C'est un manque de connaissances, un manque d'intérêt, ou tout simplement que les deux objets, finalement, ne sont pas si proches qu'on pourrait le croire, et que du coup, il n'y a pas vraiment vocation à travailler ensemble sur des thématiques qui... intuitivement nous aurait pu paraître commune. Alors pour le coup, dans ma thèse, je parle des jeux vidéo et des RPG, notamment ne serait-ce que pour voir un petit peu comment l'affiliation s'est faite entre les deux. Quand je vous parlais d'outils tout à l'heure d'analyse, ça vient d'une formation. Moi, j'ai étudié le jeu de rôle avec mes outils d'analyse littéraire, donc par lesquels j'ai été formée tout au long de mes études. Mais je suis également allée chercher des théories du game design tout autant du jeu de rôle lui-même et même aussi un petit peu du côté du jeu vidéo quoi. Disons que après il peut être compliqué d'avoir un corpus toujours grandissant, des outils d'analyse toujours plus importants, mais moi je trouve que les liens se font pas si mal que ça finalement, parce que en général, ne serait-ce que par il y a un certain nombre de game designers qui ont travaillé dans le jeu de rôle, qui après sont passés du côté du jeu vidéo, qui ont des réflexions très intéressantes, notamment quelqu'un comme Ken Rolston, qui était en charge des univers sur Oblivion et Morrowind. C'est quelqu'un qui est très inspiré du jeu de rôle RuneQuest et de son monde Gloranta, et du coup c'est vraiment, c'est un exemple parmi tant d'autres. Ça c'est une question de fond à la limite, et encore plus sur la forme, sur la narration, par exemple des gens comme Richard Dansky ont vraiment des réflexions différentes parce qu'ils viennent du jeu de rôle. Et pour le coup, je pense que plus les gens vont étudier l'interactivité, plus ils vont étudier les jeux vidéo sur la façon dont les histoires se créent ou ne se créent pas, plus les liens vont être faits. Oui, je suis assez d'accord pour revenir sur deux, trois trucs que tu disais. Déjà, effectivement, quand tu cites le terme RPG, au cas où tout le monde ne connaîtrait pas, RPG c'est role-playing game, qui veut dire du coup jeu de rôle en anglais. Donc là, on voit bien comment cette catégorie, une de ces catégories du jeu vidéo, vient du jeu de rôle. Donc là, le lien à l'origine, il est quand même très présent. C'est d'ailleurs marrant parce qu'en Europe, on continue à dire RPG pour différencier quelque part le jeu de rôle vidéo du jeu de rôle papier. Tout à fait. Et d'ailleurs, je me rappelle quand j'étais gamin dans les années 90, on disait des fois jeu de rôle pour des jeux vidéo de ce qu'on appelle maintenant des RPG, et il y avait tout de la baston, les jeux de rôle sur console ou sur PC, ça n'existe pas, etc. etc. Et du coup, effectivement, comme tu le dis, il y a vraiment des liens très forts, parce qu'en fait, moi, j'ai tendance à penser que les mécaniques qui sont derrière, et de narration, et les schémas de gameplay, etc., sont vraiment les mêmes. C'est-à-dire que la forme, le support, la forme change, mais le fond qui soutient tout ça est quand même extrêmement similaire, quoi. Donc, c'est peut-être pas forcément suffisamment fait dans les études universitaires, peut-être, et là, je suis pas trop connaisseur, peut-être on saura mieux, Coralie, mais il y a peut-être une notion, en France en tout cas, de devoir se concentrer très précisément forcément sur un élément et du coup à peut-être se couper des autres pour pouvoir voilà, concentrer l'étude sur de manière précise, qui fait que ça prend pas forcément en compte aussi bien que ça devrait les liens qu'il y a à faire effectivement. Après, pour le coup, littérature comparée, il y a comparé dedans, donc c'était aussi un espace qui était assez accueillant pour ça. Et puis, ça permet, quand on travaille sur un nouveau média, pour le coup, qui est le jeu de rôle, pour un média à part, ça permet aussi de dire, les différences sont aussi intéressantes que les points communs. Qu'est-ce que je peux encore faire avec, qu'est-ce que je peux faire avec le jeu de rôle papier que je ne peux pas faire avec le jeu de rôle informatique? Et c'est là qu'on peut faire émerger des définitions. Et c'est là qu'on peut vraiment. Apporter des éléments de réponse. Donc, de toute façon, il n'est pas sain de s'isoler de toutes ces choses qui sont poreuses. Après, la tentation, c'est de s'éparpiller dans tous les sens, quoi. Moi, je sais que l'autocritique que je peux avoir sur mon travail, c'est qu'il a été un peu trop dense et qu'il a peut-être voulu aborder peut-être beaucoup, beaucoup de choses. Mais quand on arrive sur un objet d'étude où il y a encore tellement de choses à faire, c'est exaltant, hein, que ça soit le jeu vidéo ou le jeu de rôle. On assiste à l'émergence de vraiment de nouveaux médias qui changent vraiment notre rapport à la fiction, qui sont dans une espèce de réhabilitation, soit de forme ancienne, mais avec les technologies, ou soit via le jeu, ou qui deviennent vraiment des outils pour qu'on se mette tous à créer de la fiction, là où il y a encore quelques temps, c'était vous lisez le roman, vous regardez le film. Alors, comme on disait avec Umberto Eco, oui, vous allez avoir une réception, vous allez vous poser des questions et trouver ça ludique, mais il y avait quand même une distance. Là, toutes ces pistes sont brouillées, les cartes sont redistribuées, quoi. Donc, c'est vaste et il y a encore plein de choses à dire et plein de choses à découvrir. Et c'est en ça que le jeu, pour le coup, est vraiment un super sujet de recherche. Jérôme, tu voulais ajouter quelque chose ? Alors, deux points. Le premier, pour rebondir sur ce que tu disais à l'instant, souvent on nous pose la question au niveau du jeu de rôle, un peu à quoi ça sert la théorie. De toute façon, on joue, on s'amuse. La théorie, elle sert à un truc. Comme le disait Coralie, c'est assez récent, ça a défriché. Ça veut dire que chaque point théorique qui est posé, chaque barbelé qui est passé, chaque problème de définition, c'est un défi. C'est un appel à faire de nouveaux jeux. Le média est jeune, donc toutes les choses qui sont là pour être posées, elles sont aussi là pour être dépassées. Toutes les limites qu'on va faire, c'est pour faire un jeu qui va faire exploser cette limite. Enfin, tout ça, en tout cas, il me semble que c'est comme ça qu'on devrait le prendre. Premier point. Second point, pour compléter sur les liens entre jeux vidéo et jeux de rôle ou jeux analogiques plus classiques, il y a une grosse association internationale qui s'appelle le DIGRA, qui est l'association de recherche, alors je ne sais plus ce que c'est le G, sur les jeux, alors aussi c'est ça, c'est sur les jeux, c'est l'association internationale de recherche sur les jeux digitaux, donc numériques. Et ils se posent la question, ils font plus que se poser la question, ils organisent en fait pas mal de choses sur les jeux, ce qu'ils appellent les jeux analogiques, donc les jeux non vidéo, et ils remettent de plus en plus les jeux de plateau dans le cursus. On voit plein d'écoles de game design où on commence à prendre le game design, le level design, par du plateau, par du physique, faire rouler une bille dans de la pâte à modeler, des choses comme ça. Et on voit... alors là, pour parler d'un truc perso, on m'a commandé récemment un article sur un bouquin de jeux vidéo pour expliquer à partir des spécificités du jeu de rôle, justement les liens entre fiction et mécanique, dans cette logique de voyons comment ça se passe dans les jeux analogiques. Pour qu'est-ce qu'on peut en apprendre. Donc c'est tout ensuite utilisé sur les différences, et on voit apparaître ce genre de choses. Alors c'est balbutiant à ce niveau-là, mais c'est super intéressant que ça existe, et c'est à nous de le pousser pour que ça rapporte encore plus. Et... Vas-y. Non, je dis ça va avec la maturité du média, en fait. C'est exactement comme les questions qu'on a traitées au Stunfest sur les thèmes. Après tout, si c'est un média de fiction comme le cinéma ou la littérature, pourquoi il ne pourrait pas aborder les mêmes thèmes? En quel honneur on ne pourrait pas aborder des thèmes comme la sexualité ou des thèmes politiques, quoi. C'est une question de maturité de média, en fait, tout simplement. Et pour le coup, ce qu'on construit, ce qu'on essaye de construire avec la théorie, qui va aussi avec la maturité d'un média, c'est une critique et une esthétique. C'est-à-dire, il y a plusieurs façons façon de critiquer et de considérer des jeux. Là aussi, c'est des choses qui restent à construire. Par exemple, c'est quelque chose que j'ai pas pu trop faire dans ma thèse. Là aussi, une autocritique dans le sens où c'est encore tellement vaste, il y a tellement de choses à dire. C'est quelque chose que je peux faire sporadiquement en disant voilà, Vampire la Mascarade est en jeu sur la bête qui est en soi, mais le système des points d'humanité pour moi ne marche pas bien pour mettre ce thème en valeur dans le jeu, mais c'est sporadique. Et quand on voit notamment dans la communauté des jeux de rôle des gens qui s'affrontent parfois même un peu violemment sur des jeux, en fait on se rend compte aussi c'est parce qu'ils ont des critères d'esthétique qui sont pas les mêmes, sauf que souvent ils les posent pas, ou alors c'est inconscient, ou alors pour eux ils vont de soi. Et pour le coup ça serait vraiment utile, mais bon, ça sera fait je pense par la force des choses, de réussir à poser tout ça et pour évoluer, pour mettre les choses en perspective, quoi. J'allais poser la question, mais je me rends compte que c'est un peu faux. J'allais dire comment on enseigne le game design, mais je sais pas s'il y a vraiment d'enseignement de ça. Alors il y a vraiment plusieurs manières de l'aborder, parce que le game design c'est vraiment un domaine qui est assez vaste. D'ailleurs, proposer, moi quand on me demande ce que c'est, je dis toujours que ça va être travailler sur l'histoire du jeu et les règles du jeu. Il y a un côté qui va de la narration à un côté très technique, hyper logique, de faire des règles voilà, qui prévoient tous les cas, etc. Du coup, premièrement, il y a travailler ce lien entre les règles qui vont participer à l'expression du propos du jeu, tout autant que la narration, que l'image, que ce qu'on veut. La narration n'est pas un prétexte à faire une muse avec un jouet, ou les règles ne sont, enfin le fait de jouer n'est pas un prétexte à voir des cinématiques qui vous racontent quelque chose, quoi. Ça c'est genre une assez mauvaise utilisation du format. L'idée c'est vraiment de mixer les deux, que les règles racontent quelque chose. Et du coup, c'est un problème assez complexe parce que de plus en plus, il y a vraiment une grosse théorisation du game design dans les 10 dernières années. Il y a 15 ans, c'est vraiment le désert. Maintenant, il y a 10 milliards de bouquins qui sortent par an là-dessus. Et on peut commencer par des bases de schémas assez techniques sur comment... quelle est l'expérience que va suivre le joueur au fil du jeu, ce qu'on appelle par exemple la boucle de gameplay formalisée, donc qui formalise l'action fondamentale que fait le joueur tout au long du jeu, formaliser les ressources, les causes et les conséquences des actions, etc., etc. Du coup, ça, bon, c'est pour un peu découper le jeu en éléments un peu manipulables assez facilement mentalement. Et après, le risque de ça, donc ça permet quand même de théoriser un peu et de poser des jalons, le risque de ça, ça va aussi être que tous les jeux soient pensés avec cette espèce de... avec un peu un même prisme, et qui est entre autres ce qui amène les jeux aujourd'hui à être assez formatés, entre guillemets, parce qu'ils sont tous pensés avec les mêmes outils assez mécaniques en tête, quoi. Mais après, évidemment, on peut aller beaucoup plus loin et se demander... c'est tout à fait cohérent avec le game design aussi, hein, se demander plus des questions au-delà de la technique, mais comment des règles vont exprimer des valeurs, donc là, et du coup faire appel à plein d'autres champs d'études, effectivement. Oui, ce que tu disais, c'est un peu l'idée que la grille d'analyse va à la fois structurer mais en même temps contraindre l'innovation. Voilà, c'est un outil dont il faut, du coup, qu'il faut savoir utiliser à bon escient, on va dire, quoi. Pour revenir à la recherche, est-ce que finalement une des difficultés du fait de travailler dans la recherche dans le jeu, c'est ce que tu as cité à plusieurs reprises, Coralie, le fait que le champ est vraiment vraiment vaste, qu'il n'y a pas encore grand chose de fait, et que du coup c'est un peu compliqué de savoir par où on va l'attraper. Oui, ouais, complètement. Ouais, c'est un problème du coup que j'ai ressenti sur la thèse. Et pour répondre aussi à la question pourquoi on n'utilise pas aussi telle théorie, parce qu'on en utilise beaucoup et que évidemment il faut faire des choix. Par exemple, vous parlez du jeu de plateau. Moi, c'est vrai que j'ai pas énormément parlé de jeu de plateau. C'est parce que je connais moins, hein, tout simplement. Si je parle juste d'HeroQuest qui était un petit peu à la frontière entre le jeu de rôle sur table et le jeu de plateau, mais c'est effectivement quelque chose que j'ai moins abordé, alors que c'est un lien qui, je pense, pourrait être vraiment très très très très intéressant. Voilà, on est obligé, c'est effectivement tellement vaste, on est quand même obligé de problématiser et de ne pas partir dans tous les sens, et surtout chacun ses spécialités. Mais c'est ça qui est bien, c'est que vraiment pour le coup le jeu, je pense que c'est un objet qui peut être étudié de par plein de portes différentes. On peut dire ça de beaucoup de choses, hein. Par exemple, même de la littérature. Alors, il y a certains usages qui sont validés comme les bons usages des écoles de la critique, mais je sais pas, on pouvait imaginer auparavant, il y avait des gens qui s'amusaient à étudier les romans pour dresser des portraits psychologiques des auteurs, mm-hmm. en disant, alors son inconscient a dit ça, alors maintenant ça parlait un peu aberrant, et vous avez pas intérêt à faire ça en fac de lettres, dans une dissertation, mais sur le coup, on se dit, bon, ça pose des questions épistémologiques, mais on se dit, pourquoi pas, voilà. Donc là, pour le coup, comme le jeu est encore un média assez récent, on peut s'amuser, enfin, on peut imaginer toutes sortes de points d'entrée pour l'étudier, quoi. J'ai envie de m'arrêter sur la question de la réception par les pairs. Alors, on a brièvement évoqué les pairs en tant qu'autres chercheurs et du coup le regard sur effectivement culture légitime, culture populaire, ce sera la première partie. Et puis la réception par les pairs, comme Jérôme l'a vaguement cité tout à l'heure aussi, les pratiquants de jeu qui vont s'interroger sur effectivement l'intérêt de commencer à faire de la recherche sur quelque chose que vivent comme un média de loisir purement, sans avoir envie de rentrer dans des questionnements de chercheurs. Est-ce que c'est des choses auxquelles vous vous êtes confrontés, d'un côté avec d'autres chercheurs qui avaient un regard un peu pas forcément très positif sur le fait de travailler sur du jeu, et puis de l'autre côté avec des joueurs qui disaient « mais qu'est-ce que tu t'embêtes à faire de la recherche, on joue et puis c'est tout ». Oui, ça arrive régulièrement. En général, après, les auteurs eux-mêmes, en tout cas pour tous les entretiens que j'ai demandés, c'est rare qu'ils disent... parce que après, les questions que j'ai posées, en fait, étaient vraiment basiques et bateaux. Pour mémoire, oui, tu as constitué ta thèse, notamment avec un volume important d'entretiens qui ont été menés avec des créateurs de jeux, des créateurs de fiction. Oui, alors, en fait, j'ai fait ces entretiens d'auteurs et éditeurs assez tard dans la thèse, justement parce que je ne voulais pas avoir la tentation que ça devienne mon corpus, parce que le corpus en littérature comparée, c'est les œuvres. Donc moi, j'ai travaillé sur les livres de jeu et les entretiens sont vus comme un enrichissement que j'utiliserai probablement par la suite, parce que ça a un peu dépassé en termes d'ampleur et c'est très très bien ce dont j'avais besoin au départ. Mais oui, après j'ai eu effectivement quelques réactions comme ça, mais même les auteurs qui refusent de faire de la recherche avec, enfin ce qu'ils imaginent être la recherche avec un grand R universitaire, ils ont quand même une réflexion forcément sur leur travail de créateur. Donc en fait, d'en parler comme ça, ils ont des choses très intéressantes à dire. Alors ils ont peut-être pas lu plein de références dont on a l'habitude, littéraire et tout ce qu'on veut, mais c'est pas moins intéressant. Notamment, ça permet de casser certains préjugés sur, par exemple, quand j'étais contente de réussir à avoir Frank Menzer, donc qui est l'auteur qui a créé la fameuse boîte rouge de Donjons et Dragons, qui sort à peu près dans 1983, si je dis pas de bêtises. Et moi, j'avais déjà discuté avec des gens qui fans de Donjons, qui me disaient, oui, non, mais les auteurs de donjons, ils en ont rien à foutre de tout ça et de le jeu, machin, c'est juste jouer. Et ce qu'il dit à la fin de son entretien, Frank Menzer, il dit, c'est quand même incroyable, on a commencé à jouer pour tuer des dragons dans une grotte, et maintenant il y a des gens en Europe du Nord qui font des jeux de rôle pour expliquer et faire ressentir aux gens ce que c'est que d'être malade du sida. Et je pense qu'ils en ont pas rien à foutre. On a des préjugés aussi sur certains types d'auteurs, de certains types de jeux, et leur donner la parole dans ce cadre-là, alors en désamorçant beaucoup de choses. Moi, j'étais très libre, hein, je leur disais, les questions vont pas, ben dites que vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez dire ce que vous voulez, ayez cet espace d'expression. On se rend compte qu'en fait les auteurs, même ceux qui ont l'air de pas s'intéresser à la recherche, à la théorie, à leur manière le font de toute façon, parce que tout simplement ils ont une réflexion sur leur travail, quoi. Comment ça se passe du côté du jeu vidéo, Thomas? Ben, dans le jeu vidéo, alors tu parlais plutôt des joueurs. Bon, je suis vraiment pas convaincu que les joueurs effectivement s'intéressent beaucoup à tout ce qui est recherche universitaire, parce que la recherche universitaire ne s'adresse pas du tout aux joueurs. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas publier dans des publications grand public, etc., sur des sites ou quoi. Donc en fait, bon, je m'avance peut-être un peu, mais je serais pas étonné qu'en fait la majorité des joueurs ne savent même pas qu'il y a de la recherche universitaire là-dessus. Nous, on n'a pas encore une grande publication qui s'appellerait Games comme on a Science Nature, ça. Quoi. Effectivement, et des fois il y a des gens de la recherche académique universitaire, pardon, qui publient dans des magazines grand public. Ou etc. Mais c'est sporadique et ouais. Vas-y, Coralie, tu... Non, mais enfin, juste, effectivement, tu as raison, quand on fait de la recherche universitaire, on s'adresse notamment, quand on fait une thèse, à des professeurs. Moi, dans mon jury, il n'y avait qu'une seule personne qui connaissait vraiment bien le jeu de rôle, c'était Olivier Caïra, les autres le connaissaient beaucoup moins. Donc, effectivement, on ne s'adresse pas en priorité aux joueurs, et on ne s'adresse même pas en priorité, même aux créateurs. Disons que, évidemment, le but et l'idéal, c'est d'avoir un résultat pratique, si les auteurs peuvent s'en emparer, notamment les game designers, pour avoir une réflexion et les aider, comme tu disais, à créer de nouveaux jeux, tant mieux. Mais c'est vrai qu'à la base, on ne s'adresse pas aux joueurs. Surtout qu'on va analyser plus l'objet que leur donner des pistes pratiques pour. Donc après, personne n'oblige les joueurs à s'intéresser à la théorie s'ils veulent pas, quoi. Enfin, tout simplement. Je dois rajouter un truc. Alors, dans le cas particulier du jeu de rôle, un auteur américain très connu qui s'appelle Vincent Baker a l'habitude de dire que quand il veut s'adresser aux joueurs, il fait un jeu. Quand il veut s'adresser aux autres game designers, il fait des books, il fait des articles sur son blog de théorie. Alors, du coup, il éclipse totalement la conversation universitaire. Ça a l'air bizarre, mais il faut se rendre compte qu'au niveau du jeu de rôle, c'est quasiment le seul à avoir formalisé ça, à dire comment je m'adresse à quel public. Donc on est, même aux États-Unis où il y a beaucoup plus de recherches que chez nous, hein, beaucoup plus de chercheurs, cette conversation-là n'est pas évidente en fait. Et d'ailleurs, pour revenir du coup sur le jeu vidéo, donc je pense que, et pour rebondir sur quelque chose que tu disais, Coralie, effectivement, les théoriciens, la recherche universitaire va s'adresser avant tout à elle-même, en fait, souvent aux professeurs. Et moi, dans le jeu vidéo, donc moi, je suis plutôt issu du milieu de la production de jeux, mais je m'intéresse du coup aux personnes qui font de la recherche universitaire. Je trouve qu'il y a vraiment les deux milieux ont plein de trucs intéressants à dire, et à mon avis, en fait, gagneraient beaucoup à communiquer. Et vraiment, dans le jeu vidéo, ça, je trouve ça désolant, hein, mais il y a une barrière entre les deux, mais qui est énorme. Et pour caricaturer un petit peu, les développeurs de jeux voient les universitaires comme espèce de bobo intello qui font des grands blabla qui un peu incompréhensibles, là où les universitaires voient les développeurs comme des petits larbins qui codent leurs trucs sur leurs ordinateurs sans trop réfléchir à ce qu'ils font, quoi. C'est un peu un cliché commun à la société civile face aux chercheurs, si on peut faire une différence de cet ordre là. Effectivement, et c'est évidemment très caricatural, mais bon, ça se retrouve un peu quand même, quoi. Et du coup, aucun des deux ne cherche à s'adresser à l'autre, et donc les universitaires utilisent peut-être un vocabulaire qui n'est pas forcément celui des développeurs. Les développeurs n'essaient pas d'apprendre ce langage, ni de s'adresser aux universitaires de manière à ce qu'ils puissent aussi comprendre leurs enjeux. Et du coup, ce qui est dommage déjà là-dedans, c'est que les deux auraient chacun des trucs hyper intéressants à dire à l'autre et gagneraient à communiquer. Ensuite, le deuxième élément, ce que je voulais dire, c'était que... Attendez, je vais retrouver mon truc. Il n'y a pas de souci. Oui, qu'il y a aussi tout un champ de recherche qui est fait par les développeurs, en fait, dont les universitaires n'ont pas toujours conscience. C'est-à-dire, il y a des publications, en gros, par des pros pour des pros, par les développeurs pour les développeurs. Très, très, très... ça, c'est vraiment très foisonnant dans le jeu vidéo. Il y a un site, notamment, qui s'appelle Gamma Sutra, qui est palanqué d'articles tous les jours. Il y a la GDC, la Game Developer Conference, et puis il y a 10 milliards d'autres conférences dans le même genre, un peu moins connues. Il y a Feu Game Developer Magazine, qui était un magazine absolument génial, qui sortait tous les mois, qui a duré une bonne quinzaine d'années, avec des articles faits par des pros à chaque fois, etc. Et une espèce de recherche civile, quoi. Exactement. Mais comme dans le jeu de rôle, ce que je disais avec la forge et tout ça, et c'était vraiment intéressant de pouvoir rassembler ces théories, de les confronter, et puis et quand les outils ne sont pas adaptés, en inventer de nouveaux, quoi. Tout à fait, et je pense aussi que ces deux recherches communiquent très peu entre elles. Alors il y en a forcément qui vont communiquer un peu, mais relativement peu, et il m'est arrivé un certain nombre de fois de voir soit des universitaires qui disait des trucs que les développeurs avaient capté depuis 20 ans, quoi. Donc à quel moment t'es juste pas en train de réinventer la roue, enfin voilà. Et très certainement que les développeurs aussi redisent des trucs que les universitaires ont déjà compris, ou alors se refont leurs outils que les universitaires ont déjà théorisé depuis 10 000 ans. Quoi. Adrien ? Tout à l'heure, en fait, j'ai failli poser la question, mais qui finance la recherche en jeu ? Et justement, je pense que ça, c'est la question du truc, justement. Évidemment, et je voulais en arriver là, effectivement, parce que les développeurs vont pas avoir tant que ça. Bon, évidemment, des finances assez importantes, mais quand même limitées. Et eux, leur intérêt, ça va être de faire un jeu qui marche pour le public, pas de faire un truc qui va innover énormément. Du coup, ils vont pas s'amuser à dépenser énormément dans de la recherche universitaire. Ou alors, avec un but, comment trouver, comment rendre le joueur addict. C'est ça. Ce serait de la recherche hyper appliquée. Je pense, et là tu me confirmeras peut-être Coralie, mais que l'objectif de la recherche universitaire n'est absolument pas justement d'être appliqué, et surtout pas dans une société hyper mercantile, d'être utilisé à des fins capitalistes, etc. Et donc ils ont pas les universitaires, et à raison, ont pas forcément envie de mettre le doigt dans l'engrenage, quoi, de se faire sponsoriser par telle boîte, parce que du coup ils vont devoir utiliser leur recherche dans un certain but. Bon, bref, quand l'argent rentre en jeu, c'est forcément compliqué. Et c'est ce facteur financier, comme toujours, est évidemment une des grosses causes de ce manque de communication, je pense. Est-ce que ça, à nouveau, c'est pas, parce que pour le coup, le milieu de recherche plus traditionnel, le rapport entre recherche et innovation, moi c'est quelque chose que j'ai pu observer dans d'autres cadres, et j'ai l'impression que là aussi on est un peu comme quand on parlait tout à l'heure des développeurs et des chercheurs sur des préjugés de qu'est-ce que l'autre veut bien faire et qu'est-ce que l'autre veut faire avec moi. J'ai l'impression que des fois il peut y avoir peut-être des malentendus, donc ça mériterait peut-être d'être éclairci. Alors en jeu vidéo, j'imagine que évidemment on va avoir aussi de l'innovation qui vise à générer un cash flow, mais quand Jérôme parlait un peu plus tôt de dire chaque question qui est posée en recherche c'est un défi pour faire des nouveaux jeux, j'ai l'impression qu'on est là aussi dans une forme de recherche appliquée quelque part. Qu'est-ce que tu en penses, Coralie? Alors en ce qui concerne effectivement les articles notamment produits par le milieu du jeu de rôle, je pense que c'est effectivement assez vrai, et que souvent ces articles sont écrits ou ces écoles se forment en réaction à certains corpus de jeux après en général pour tout ce qui est universitaire, thèse et compagnie, encore une fois c'est de l'analyse donc encore une fois pour un public qui n'est pas rôliste, donc c'est un peu différent. Pour parler vraiment de mon cas personnel, moi le fait de travailler dans l'édition, pour moi ça se complète, quoi. Faire de la recherche et faire de l'édition, les deux, enfin l'un sert à l'autre, disons que vu qu'on est quand même sur des objets qui existent et qui vivent maintenant, qu'on connaît les contraintes économiques que peuvent avoir, enfin l'influence qu'elles peuvent avoir sur un projet, sur une œuvre. Moi, les deux pour moi sont vraiment complémentaires à ce niveau-là. Et quand je vais vraiment réellement me lancer dans le game design, évidemment tout ce bagage de recherche que j'ai fait derrière va vraiment contribuer à forger entre guillemets une espèce de d'identité créative, même si c'est un peu pompeux de dire ça comme ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi, et effectivement il y a, ça devrait aller ensemble effectivement, et il y a effectivement des profils comme le tien qui à la fois sont dans l'édition, la production, et à la fois dans la recherche. J'aurais tendance à penser que comme il y en a très peu, alors peut-être dans le jeu de rôle et en tout cas certainement dans le jeu vidéo, forcément ça fait que ces personnes-là donc arrivent à faire communiquer les deux métiers, mais il y en a peu, donc ça amène à une telle chose où la recherche a peut-être une influence sur la production, mais très retardée, puisqu'il y a peu de pont entre les deux, donc le temps que le message passe. Voilà, donc il y a quand même une vraie influence, et c'est super bien, mais qui prend un certain temps. Après, faut préciser que toi, tu as bossé sur Remember Me, si je dis pas de bêtises. Oui, oui, oui. Donc voilà, donc là, tu veux dire, tu prêches un convaincu, c'est ça que je veux dire. C'est que là, vous êtes deux personnes qui sont immergées dans un monde professionnel et qui font de la recherche. Mm-hmm. Et par exemple, Jérôme Larrey aussi, tu écris des jeux de rôle, tu le critiques. Voilà, il y a des choses qui se nourrissent. Non, moi, je suis beaucoup moins présent dans le monde académique. Hein. Moi, c'est. Aussi, oui, oui. C'est un peu du piratage, si j'ose dire. Hein. Et moi aussi. Hein. Par contre, je le fais avec plaisir, mais c'est du piratage jovial. Pour l'aspect recherche dans le jeu de rôle, concrètement, jusqu'à très récemment, et à part des cas comme celui de Coralie, comme Isabelle Perrier, comme Olivier Caïra et quelques autres, concrètement, qu'est-ce que c'est la recherche dans le jeu de rôle? C'est aller jouer avec d'autres potes qui écrivent des jeux, terminer la soirée et se dire « Ah merde, j'arrive pas à faire ça, quoi. Comment tu ferais ?» Alors, Manuel a assisté à un nombre incalculable de soirées comme ça, où on commence à diviser et finalement on échange nos trucs. Le problème, c'est que, enfin, un des nombreux problèmes, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, on n'a pas du tout. Alors, ce qu'il y avait dans Thomas quand tu évoquais cette recherche civile dans le jeu vidéo, la présence de post-mortem, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait très très peu de débriefs de projets. Et on va très très peu analyser ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, tant d'un point de vue créatif que justement gestion de projet. Alors dans le jeu de rôle, hein, je parle. Oui, alors qu'effectivement, du coup, dans le jeu vidéo, c'est un truc qui se fait énormément et qui aide beaucoup à l'avancer. Sur Gamma Sutra, sur le magazine de la GDC, des trucs comme ça, on en retrouve énormément. C'est très très intéressant. L'autre élément qu'on ne va pas avoir, c'est comment est-ce qu'on parle des jeux. Aujourd'hui, je veux faire un jeu, enfin, pour utiliser des cas concrets, on a bossé sur pas mal de jeux ensemble avec le Grumpf. On est potes depuis des années, on se fait lire quasiment tous nos jeux, on discute énormément, et il y a des fois, on n'arrive juste pas à se comprendre. Parce que le vocabulaire n'existe pas, ou qu'il faut qu'on se mette d'accord, et rien que se mettre d'accord sur le vocabulaire, c'est un travail tellement énorme, que vu l'heure avancée de la soirée, on va se coucher ou on relance une partie. Mais et on a ce problème là à la fois vis-à-vis, on n'arrive pas à se parler à trois niveaux en fait, à la fois des concepteurs de jeux vers le public, des joueurs entre eux et les concepteurs entre eux. Donc c'est en train d'arriver, c'est là où on a besoin à mon avis en grande partie du travail que tu as fait, Coralie, de ce que fait Olivier. On a besoin de vous, enfin des universitaires, pour venir nous dire, en fait, pour nous filer des billes, et surtout dans le cadre de la communauté rôliste, pour avoir assez de légitimité pour qu'on vous écoute. Parce que des gens qui essayent d'imposer des termes, il y en a plein, des gens qui ont de la légitimité pour qu'une bande de braillards comme on est, et ça nous fait plaisir, on veut le rester, hein, puisse accepter tout ça et s'en resservir, bah, c'est pas si évident. C'est intéressant cette question de légitimité, parce que effectivement très rapidement dans le jeu vidéo il y a vraiment cette même question aussi de les universitaires n'ont généralement jamais travaillé en production et ne se rendent absolument pas compte des contraintes et donc des fois disent des trucs que les développeurs disent ouais mais en fait là c'est enfin matériellement on est à 200 ans d'y être quoi donc ça joue aussi quoi. C'est pour ça que le fait finalement, je dis toujours aux rôlistes, j'étais rôliste avant d'être chercheuse quoi. Voilà, vous trompez pas de sens. Après, ce qui est intéressant aussi sur ce que t'expliquais sur les outils, c'est que voilà, je parlais des outils qu'on va amener, qu'on a par sa formation, mais ce qui est génial, comme c'est des nouveaux médias, c'est aussi d'inventer les outils qui manquent, parce que bien sûr, il y a la tentation à laquelle il faut faire attention de pas calquer forcément des outils d'analyse d'un média pas adapté aux nouveaux médias duquel on est en train de discuter. Donc c'est vraiment passionnant d'une part d'avoir cet apport des outils qu'on a déjà, voir comment ils peuvent être éventuellement adaptés et surtout voir qu'est-ce qui reste à inventer justement pour enrichir les outils et les modes de communication dans l'idéal entre les concepteurs de jeux et dans l'idéal de l'idéal les joueurs quoi. Juste un point de détail, non seulement inventer ces outils mais capitaliser dessus. C'est des défis qui ont aussi été très présents dans l'industrie du logiciel et du jeu vidéo. C'est-à-dire, on va faire ce qu'on appelle un middleware, enfin on va faire des outils qui vont nous aider à produire. On en fait aussi dans le jeu de rôle, des outils, pas forcément que conceptuels, hein, mais même des modules, en fait, des sous-systèmes de règles, de se dire, c'est possible de gérer tel aspect par les règles. On ne l'avait jamais fait avant, mais ça existe. Hein. C'est possible de se dire, par exemple, dans tel jeu, c'est décrit comme ça. Et aujourd'hui, comment on fait pour capitaliser là-dessus, pour que ce soit réutilisé, pour qu'on ne réinvente pas la roue à chaque fois. Et il y a un vrai problème, notamment dans le jeu de rôle. Alors là aussi, enfin, je vais reparler de ta thèse parce que c'est une grosse partie de ta thèse et qui, à mon avis, la rend d'autant plus intéressante. C'est l'angle historique. Aujourd'hui, les rôlistes ne connaissent pas leur classique. Et c'est tout à fait normal parce que c'est pas valorisé. Mais si on prend un jeu comme tu parlais de la boîte rouge tout à l'heure, le nombre de conneries qu'on entend sur la boîte rouge est juste incroyable. Oui, ça oblige à aller recreuser parce que quand, avant de commencer la thèse, j'avais plein de préjugés qui me font hurler maintenant quand je les entends sur oui, alors les règles, l'univers et l'histoire, ça rentre en contradiction ou ce genre de choses. Et notamment sur ODD, sur le vraiment la première version de Donge, je lisais des choses dessus et en fait, je me suis dit, bon, je vais intégrer quand j'étais dans le choix de mon corpus, donc les œuvres principales sur lesquelles j'allais travailler. Il faut absolument que j'intègre ODD. Et parce que quand je l'ai relu, donc j'ai réussi à m'en procurer un exemplaire, et quand je l'ai relu, je me suis dit, en fait, les gens ont plein de préjugés sur ce jeu et ça va être passionnant de pouvoir les démonter, de pouvoir voir, essayer de comprendre, en tout cas en toute humilité, parce qu'on a, j'étais pas là, de comprendre comment sont venues les choses. Bon, il y a quelqu'un qui a écrit un livre là-dessus, un américain qui s'appelle John Peterson. Bon, le livre n'est pas traduit, il s'appelle Playing at the World. Il a un blog où il fait pas mal d'articles, qui est passionnant là-dessus, parce qu'alors lui, vraiment, il est ultra documenté. Mais voilà, c'est tous ces préjugés que j'avais sur certains jeux et que je pense que la communauté rôliste a, qui ont été vraiment passionnants, même à titre personnel, à déjouer, quoi. L'autre élément qui se rajoute sur ODD, alors avec Aurélie on a énormément parlé d'ODD parce que on allait de stupéfaction, c'est la traduction. Ça a l'air un peu étrange de le dire comme ça, mais il faut comprendre que dans les années 80, enfin, dans l'industrie du jeu de rôle française, la traduction elle était faite souvent un peu comme on pouvait. C'est encore parfois le cas. Et par exemple, on a des jeux qui ont été reçus de façon totalement différente en France d'à l'étranger. On parlait de Vampire un peu plus tôt. Il faut savoir que par exemple, l'échelonnement des éditions de Vampire n'est pas du tout le même aux États-Unis qu'en France, parce que là où un supplément a été sorti dans l'année de la sortie du jeu aux États-Unis, il faisait partie intégrante de la façon dont il était joué, il était sorti 5 ans plus tard en France. C'est des choses qui arrivent. Et il y a eu notamment plein d'éléments sur des particularités techniques dont je ne vais pas rentrer dans le détail, de DD, donc de Donjons et Dragons, qu'on a retrouvé dans ADD des années plus tard dans la version française, et qui avait été mal traduite, tout simplement parce que ça ne correspondait pas à la vision que le traducteur avait du jeu de rôle. Mais je pense que la personne n'a pas du tout fait exprès de mal traduire, mais il y a un élément de jeu qui ne correspond juste à rien, si ce n'est peut-être un mauvais copier-coller de quelque chose qui existait dans une autre langue 5 ans plus tôt, si je ne me trompe pas. On remarque un peu le même problème dans la traduction de la littérature universitaire sur le jeu. Je pense par exemple à Theory of Fun, les bouquins de Chris Crawford, etc. Comment justement est-ce qu'on commence à traduire de manière, je veux dire, à bien traduire ces ouvrages de référence dont on entend parfois un peu parler, voilà, Theory of Fun ou ce genre de choses? Alors honnêtement, je vais avoir une réponse très limitée parce que je suis loin d'être expert sur la question dans le jeu vidéo. Il y a effectivement beaucoup des grands bouquins de game design qui sont quand même traduits maintenant en français. Après, oui, dans une qualité tout à fait acceptable. Après, je saurais pas avoir notion du quantitativement de combien de pourcents de bouquins. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que la majorité de ce qui est produit, autant par l'industrie que par la recherche, reste anglophone et sera jamais traduite. Si on lit pas l'anglais, faut pas penser pouvoir accéder au corpus, quoi. C'est l'idée. C'est la même chose en jeu de rôle. Là, il y a quelques initiatives très récentes de traduction de bouquins théoriques qui vont pas tarder à arriver. Alors, il y a un site très très bien pour ça qui s'appelle Place to Go, People to Be, si je le dis bien. Où là, pour le coup, bon, c'est des bénévoles. Alors, il y a des auteurs de jeux, il y a des joueurs qui là prennent sur leur temps pour faire des traductions d'articles. C'est vraiment vraiment un super site parce qu'en plus c'est classé. Il y a vraiment plus d'articles de différents horizons. Mais mis à part voilà cette initiative de ce site, il n'y a pas, enfin pas encore, et c'est peut-être amené à changer très vite, de traduction. Par exemple, Playing at the World, il fait 600 pages écrit en tout petit. Je sais pas qui c'est qui va se lancer dans cette traduction. Pourtant, de ce bouquin, pour moi, est majeur dans l'évolution du jeu de rôle et du wargames, mais je sais pas qui va se lancer là-dedans. En général, les passionnés lisent directement en anglais, quoi, clairement. Eh ben merci beaucoup. On est à peu près à une heure de podcast avec des échanges fort intéressants. Je pense qu'on pourra en tirer comme conclusion que oui, le jeu est un bon sujet de recherche, mais qu'il y a encore du boulot. C'est qu'il y a tout à faire, justement. Il y a des rapprochements à faire, il y a des glossaires à établir, il y a des outils de pensée à construire. Donc on vous souhaite bon courage. Hein. Nous, on va regarder tout ça avec beaucoup d'intérêt. Besoin. On a une question qu'on pose traditionnellement en fin de podcast. Alors je vais commencer par Thomas cette fois-ci, comme ça on pourra terminer par la même personne qui a ouvert le podcast après. Une question qu'on pose traditionnellement à tous nos invités. À quoi est-ce que vous jouez en ce moment? Parce que c'est bien beau de théoriser, de parler, de rechercher, mais il faut jouer aussi. Alors en ce moment, moi je joue en jeu vidéo à The Talos Principle, qui est une espèce de Portal-like avec tout un scénar complètement mystique sur la nature de l'être humain. Enfin c'est très, très ésotérique, mais passionnant, vraiment assez énorme. Et j'ai fait un peu de pub pour les collègues à Life is Strange de Dontnod. Bon, j'y bosse plus, j'ai pas d'action chez eux, donc c'est vraiment juste parce que ce qu'ils font est bien. Et autant au niveau gameplay, narration et éthique, vraiment, ils posent beaucoup de questionnements très très intéressants. Jérôme, du coup ? Alors, moi je suis un peu en phase de transition au niveau de jeu de rôle entre plusieurs campagnes. J'attends de découvrir les nouvelles avec impatience et qu'on me fasse jouer. Peut-être au niveau lecture pour l'instant, il y a un petit livret qui vient d'arriver il y a pas longtemps. J'attends de découvrir. Ça s'appelle Sur les frontières, je crois. D'accord. Ouais, il me semble qu'on en a entendu parler. Ah, c'est la session promo, c'est ça ? C'est ça. Oh, faut bien. Coralie, Coralie, du coup. Hein. Eh ben, écoutez, en jeu vidéo, bon, là, je m'étais un peu interrompue avec la soutenance le mois dernier et tout ça, mais j'essaye de finir The Last of Us, qui est un jeu qui me pose plein de problèmes, parce qu'objectivement, je le trouve très très bien, mais subjectivement, j'ai pas accroché jusqu'à être assez avancé dans le jeu, c'est-à-dire le moment où on est dans la neige et qu'on chasse un cerf, je crois, avec l'arc. Et du coup, c'est un jeu qui pour moi était très bizarre parce que j'étais pas du tout émotionnellement engagée, dans le sens où j'avais l'impression que pour le coup, je regardais un film et qu'on me donnait la manette pour dès qu'il y avait un petit peu d'opposition. Donc c'est bizarre. C'est un jeu qui me pose problème parce que j'arrive pas à dire s'il est génial ou s'il est pas bien. Et en jeu de rôle, sur table, ben, on est en train de faire un scénario, mais qui tourne à la mini campagne d'un jeu qui s'appelle Dark Rune, où en fait on joue à une époque reculée, à la fin, on va dire. Bon, je suis pas très bonne en histoire, donc je préfère pas dire de bêtises, mais bon, en gros, vous voyez la série. Voilà, Invasion Barbare, vous voyez la série Vikings, mais bon, plutôt étendue à toute l'Europe, voilà, avec de la magie quand même. En gros, un mélange d'historique et de magie avec une grosse importance des légendes celtes et de tous les mythes qui fondaient la société à cette époque-là. Sinon, je viens de finir Limbo sur mon portable parce que j'ai eu envie de le faire uniquement parce que je me demandais, ça doit pas être la même expérience que de le faire avec les potes en rigolant que de le faire tout seul. Et c'est vrai que c'est pas la même expérience. Et pour le Dark Secret qui fait honte, ça fait 2 ans que je dois jouer aux Sims Freeplay alors que j'avais toujours trouvé les Sims pas bien du tout avant le mobile. Voilà, ça c'était pour le secret de la honte. Eh ben, on va terminer cette émission. Manu, est-ce que c'est la dernière de l'année ? Je sais pas encore, c'est possible. Vous aurez la surprise dans 15 jours. Alors, ouais, justement, si c'est la dernière. Si c'est la dernière, on vous souhaite d'excellentes vacances. Non, mais attends, à quoi toi tu joues ? À quoi je joue en ce moment ? Oh là là, en ce moment, je joue beaucoup à Altos Adventure sur mon mobile, parce que moi j'aime bien jouer sur mon mobile, tu le sais, Adrien. Oh oui. Altos Adventure, c'est un jeu de surf en gros, quoi, dans les Andes. C'est plutôt très joli, voilà, en procédural. Je joue globalement à pas mal de jeux mobiles parce que voilà, c'est un format que j'aime bien. En gros jeu PC, c'est pas un gros jeu, mais j'espère y jouer prochainement. J'ai pas trop le temps en ce moment. C'est Don't Starve Together qui avec moi, soyons clairs. On va pouvoir jouer à Robinson à plusieurs. Et j'avoue que c'est une perspective qui me plaît bien. Et puis en jeu de rôle à l'heure actuelle, je suis en train de faire jouer plus que de jouer des playtests sur ma prochaine tentative qui s'appelle Summer Camp et où on joue des scouts dans une forêt hantée. Et toi, Adrien ? Moi, effectivement, pour qu'on se mette à Don't Starve Together, je me suis remis à Don't Starve tout court. Et pas qu'un peu, j'ai bien travaillé. Et sinon, un petit puzzle game, pas très compliqué, mais très très joli et très inspirant, je trouve, qui s'appelle Path of Thalamus, qui est, ma foi, très très joli, qui selon moi, questionne l'idée du FPS, puisqu'on tient une sorte de boule de neurones qu'on doit placer dans des endroits. Et je trouve qu'il y a une métaphore qui moi, m'inspire. Voilà. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors à nouveau, on ne sait pas si on se retrouvera dans 15 jours ou pas. Vraisemblablement, si on se retrouve dans 15 jours, ce sera pour un numéro de clôture de la saison un petit peu différent, sur un format juste entre nous, qui changera. Oui. On verra, on ne sait pas encore trop. Voilà, ce sera la surprise. On se retrouvera vraisemblablement de toute manière l'année prochaine en saison 2 pour un ludologie enrichi, renforcé, avec plein de choses probablement intéressantes, et puis deux animateurs, parce que nous on est à côté. En tout cas, c'était un plaisir de savoir que vous nous écoutiez cette saison. Ça a été un plaisir de vous avoir tous les trois aussi autour du plateau. Et puis, de toute manière, on espère bien vous retrouver dans les mois à venir. En tout cas, on vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, suivant l'heure à laquelle vous nous écoutez. Évidemment, vous êtes les bienvenus pour commenter, partager, discuter de ludologie. On sera ravis d'échanger avec vous, même pendant les vacances. Et puis, évidemment, n'hésitez pas à écouter les anciens numéros si vous ne l'avez pas encore fait, d'abord parce que vous pourrez à nouveau réentendre la voix chantante et bondissante de Jérôme Larré, et puis tous nos autres invités qu'on a eu au cours de l'année et qu'on pense retrouver pour partie et puis différemment un peu l'année prochaine. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Bah oui, t'as tout dit. Et bien bonne fin de journée, bonne fin de soirée, et continue à jouer tant qu'on a le droit.